France Culture, Philippe Garbi, Alban Penaranda, Christine Goémé, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30. Nuit spéciale, la nuit des musées. La nuit des musées, mieux que cela, la nuit européenne des musées, et pour la 11e fois. Alors, je crois qu'au début, c'était pas européen, c'était français, car c'est la France qui donne l'exemple, bien entendu. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la 11e édition de la nuit européenne des musées. En tout cas, c'est ainsi que se présente cette opération organisée par le ministère de la Culture et de la Communication. Nous allons donc cette nuit parler musées, muséographie, exposition. Nous allons pouvoir entendre aussi de nombreuses archives telles que nous les aimons ici, qui témoignent d'une époque, qui éclairent par exemple, en l'occurrence, l'approche d'un sujet, de les tableaux, faut-il les montrer ? Oui. Les questionnements, les inquiétudes, les projets, les enthousiasmes. Ainsi, dans une demi-heure, nous suivrons une tribune de Paris qui date de 1946, animée par Paul Guimard, un débat tout entier consacré donc au musée et à la réouverture des musées, en tout cas celui du Louvre, puisque tout de suite après la guerre mondiale, se posait la question de la réinstallation des œuvres et l'entrée du public. Alors ce débat avait pour intervenants André Scheller, André Lhot, l'abbé Morel, René Huyg et Léon Guiccia. Suivront un profil perdu consacré à Georges-Henri Rivière, puis une visite au musée de Dresde. Alors l'émission date de 1957, elle a pour guide deux personnes assez connues, Louis Aragon et Jean Cocteau. En fait, ils ne sont pas du tout au musée de Dresde, mais ils le connaissent si bien, ils connaissent si bien les œuvres qu'ils le commentent depuis un studio de la radio. Une dramatique, ensuite, la peinture aux trois visages, comédie de Bernadette Le Sachet et Jean-Louis Boer, réalisation de Michel Sidorov. Puis la mémoire des pierres sur le musée des monuments français par André Velter. Et nous aurons également, en milieu de nuit, la visite de Maël Bellec, qui est commissaire de l'exposition L'école de Lingnan, l'éveil de la Chine moderne. C'est au musée Cernouchi à Paris. Alors Marie-Christine Labourdette, bonsoir. Bonsoir. Qui mieux que vous, directrice des musées nationaux, pourrait nous dire en quoi a consisté cette nuit européenne des musées? Parce que bon, il est minuit passé, cette opération est presque terminée pour cette année, presque terminée en France, parce que j'ai l'impression qu'à l'étranger, puisque Europe il y a des musées qui sont restés ouverts plus longtemps, peut-être, ou des lieux plus ouverts qu'à Paris. Oui, enfin, ça se termine dans la nuit, avec, il y a aussi le décalage horaire qui permet de faire une véritable nuit européenne jusque aux confins de l'Europe. Et c'est vrai que c'est pendant toute cette nuit une fête formidable qui se déploie dans la mesure où les musées sont ouverts tous les jours, ou quasiment, et que là, exceptionnellement, donc une fois par an, ils sont aussi ouverts la nuit, et que le regard porté sur les œuvres est assez différent et permet de créer un autre rapport au public. Mais pourquoi, en fait? Parce que je sais que dans le dossier de presse, par exemple, il est question du... on propose au public une autre approche de l'environnement muséal, en nocturne, donc, et des animations, spectacles, visites éclairées, et voilà. Et puis, pour une visite plus libre et plus ludique. Alors, c'est quoi quelle est la liberté dans un musée en nocturne? Parce qu'après tout, on va pas laisser les enfants monter sur les statues non plus ou... Non, on laisse pas les enfants monter sur les statues, encore qu'on leur demande, pendant cette nuit, là de servir aussi d'intermédiaire au public et de pouvoir finalement prendre aussi bien d'autres enfants que leurs parents ou leurs proches par la main pour leur permettre de découvrir des œuvres. C'est une opération qui s'appelle la classe l'œuvre et qui est menée avec le ministère de l'Éducation nationale et qui permet à 500 classes à travers toute la France de présenter des œuvres et de les raconter comme les enfants le souhaitent et en ont besoin, c'est-à-dire de ne pas se voir imposer le regard des adultes dessus, mais de s'en emparer, de les apprivoiser et de pouvoir après les redonner et les retranscrire auprès des gens. Et donc cette liberté de la nuit des musées, c'est une liberté qui est à la fois liée au fait que les activités nocturnes sont souvent assez différentes des activités diurnes et que finalement le regard qui est porté sur les œuvres est aussi un peu différent. Donc que ce soit à travers des spectacles de danse qui ont pu avoir lieu, des projections de cinéma, des contes, des mises en situation personnes qui prennent des photos sur les œuvres ou qui les racontent différemment. Le regard sur le musée est différent. On sait que le musée, et c'est vraiment le souhait et l'ambition de la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, que le musée soit un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu de sociabilité. Et donc cette nuit, il l'est tout particulièrement. Alors, les enfants ont dû aller se coucher. Marie-Cine Labourdette, c'est pas votre première nuit des musées, loin de là, puisque vous êtes directrice des musées nationaux, donc depuis 2008. Depuis 2008, absolument. C'est une responsabilité absolument formidable et merveilleuse. Et c'est vrai que la France a la chance de posséder un réseau de 1200 musées qui sont à travers le pays le témoignage d'un patrimoine tout à fait exceptionnel et qui raconte aussi des histoires très différentes, dans la mesure où il y a à peu près 50% de ces 1200 musées qui sont des musées d'histoire, des musées de société qui parlent de la vie au plus proche des gens, des musées aussi de beaux-arts, évidemment, qui sont souvent ceux qui sont les plus connus et les plus célèbres, mais aussi des musées racontant des métiers. Des écomusées. Vous parliez tout à l'heure de Georges-Henri Rivière, qui fut le grand fondateur des écomusées et du musée des arts et traditions populaires, dont la nouvelle vie, finalement, se traduit à travers le succès considérable du MUCEM à Marseille, qui est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, qui a ouvert il y a de cela 2 ans et qui a su rencontrer son public pour raconter aussi un peu différemment l'histoire de notre pays et de cette mer Méditerranée. Alors vous, Marie-Christine Labourdette, vous êtes donc énarque, vous avez fait toute votre carrière en somme dans le monde de la culture, parce que vous avez été administratrice de la ville de Paris, c'était pour la culture j'imagine, puis vous êtes allée à Rome. À la Villa Médicis, pas mal. Voilà, un endroit absolument merveilleux qui raconte aussi les liens très forts de la France avec notre grand pays voisin qu'est l'Italie. Et donc c'est vrai que cette carrière culturelle, majoritairement mais pas uniquement, j'ai aussi fait une incursion à la Commission européenne et dans le monde de l'industrie chez EDF, et d'un monde absolument passionnant, très exigeant et en même temps qui vit vraiment pour cette transmission de la culture, de la beauté, du savoir à l'ensemble de nos concitoyens. C'est notre grande tâche, c'est notre devoir et c'est notre fierté. Vous avez été aussi directrice des affaires culturelles de la région Bourgogne. Alors, directrice régionale des affaires culturelles pour l'État, représentant le ministère de la Culture en région Bourgogne, qui permet de travailler et d'articuler les grandes politiques culturelles avec l'ensemble des collectivités locales qui sont les premiers, à la fois partenaires et acteurs de la vie culturelle sur notre territoire. Et donc, c'est vrai que ce fut absolument passionnant que de travailler avec le maire de Dijon, François Rebsamen, que travailler avec les grands élus de l'ensemble de la région pour monter et des grands projets et défendre une véritable exigence de démocratisation culturelle autour de l'art et de la culture. Alors la démocratisation de la vie culturelle, les visites dans les musées, je suppose que la Nuit européenne des musées facilite cette... Parce que d'abord, là, il y a la gratuité des musées, il y a en effet ce côté, c'est amusant d'entrer avec, d'avoir une lumière différente du jour, tout simplement. Finalement, je vous pose une question un peu naïve. Un musée, c'est quoi ? En tout cas, est-ce que n'importe qui, mettons en France, en tout cas d'un point de vue juridique, peut créer un musée ? Est-ce qu'il faut un label ? Est-ce qu'il faut que le ministère de la Culture dise oui, vous avez le droit à l'appellation musée ? Ou est-ce que c'est la région, c'est la mairie, les politiques ? Oula, il y a beaucoup de questions dans votre... Alors, vous avez droit à beaucoup de réponses. J'ai droit à beaucoup de réponses. Alors tout d'abord, effectivement, les musées sont vraiment d'abord un lieu de communication et de démocratisation extrêmement important dans la mesure où 65 millions de visiteurs rentrent tous les ans dans les musées en France. Donc vous voyez que ça correspond aussi à une véritable adhésion forte de la population. Et la gratuité dans les musées nationaux, donc qui appartiennent à l'État, qui sont ceux qui accueillent pratiquement la moitié du public, donc comme le Louvre, Orsay, le Centre Pompidou, Versailles, mais il y en a 43 sur l'ensemble du territoire national. Ces musées-là sont gratuits jusqu'à 26 ans et sont évidemment aussi gratuits pour les chômeurs, les personnes bénéficiant ou ayant des minima sociaux. Et donc l'objectif de démocratisation culturelle se traduit par le fait qu'un Français sur deux rentre gratuitement dans les musées nationaux. Les autres musées qui appartiennent aux collectivités territoriales pour la plupart du temps ont souvent des tarifs aussi extrêmement mesuré, et c'est d'ailleurs une caractéristique française que d'avoir des tarifs qui sont souvent très raisonnables. Alors, comment créer un musée ? Alors, il est vrai que le fait d'avoir une collection, fut-elle absolument remarquable, par exemple, de chaussettes dans un tiroir, ne fait pas que la création d'un musée. Encore que... Mais si vous voulez créer un musée de la chaussette, il y a un magnifique musée, par exemple, de la chaussure qui a fait d'ailleurs des activités tout à fait remarquables à Romans pendant la nuit des musées. Mais donc, si vous voulez créer un musée de la chaussette, il faut plusieurs choses. Il faut d'abord disposer d'une collection intéressante. Et ensuite, rien ne vous empêche de mettre devant chez vous un panneau en mettant « musée de la chaussette ». Ça, vous avez le droit. L'appellation musée n'est pas elle-même une appellation protégée. Ce qui est protégé, c'est l'appellation musée de France, qui signifie que vous disposez à ce moment-là d'un faisceau de critères et d'éléments qui, rassemblés, garantissent de l'exigence scientifique et la possibilité pour l'État à la fois de le contrôler et aussi éventuellement de pouvoir l'appuyer et l'accompagner sur le plan scientifique et technique. Alors ces quatre éléments sont le fait de disposer d'une collection de valeurs et qui est aussi connue et répertoriée sur un inventaire, de disposer d'un bâtiment qui est adapté à sa conservation et à sa présentation, parce que effectivement, et à la sécurité, quand même, et à la sécurité évidemment, à la fois des œuvres et du public, de disposer d'un projet scientifique et culturel qui est le discours scientifique que vous produisez, parce que c'est beau d'avoir une collection de chaussettes, mais faut savoir ce que vous voulez raconter, savoir en parler des chaussettes, savoir si vous en parlez d'un point de vue esthétique, si vous en parlez d'un point de vue historique sur l'histoire de la chaussette depuis la préhistoire, si vous en parlez sur le plan de la différence entre les chaussettes des hommes et les chaussettes des femmes. Enfin, vous voyez, des tas de sujets. C'est important de savoir quel propos scientifique vous tenez dessus. Et enfin, savoir quel public vous voulez toucher. Est-ce que vous voulez toucher un public large ? Est-ce que vous voulez toucher un public de passionnés ? Est-ce que vous voulez toucher un public de spécialistes ? Donc, une fois que vous avez rassemblé ces quatre critères, que vous les avez définis de manière précise, rassemblés ensemble, vous pouvez aller voir l'État en expliquant que vous avez un projet tout à fait remarquable qui réunit un certain nombre de critères. Et à ce moment-là, l'examen est assuré de manière très sérieuse, quel que soit le sujet, même sur la chaussette, de manière très sérieuse par à la fois les directions régionales des affaires culturelles, qui sont donc les représentants du ministère de la Culture dans les régions, par nous-mêmes au niveau de l'administration centrale. Et puis, il y a passage devant une instance qui est le Haut Conseil des musées de France, qui reconnaît l'appellation musée de France au musée de la chaussette. Nous avons décrit là la situation idéale. Oui. Je pense plutôt qu'il restera, qu'il risque de rester. Hypothétique. Dans quelle région ça pourrait être, ce musée de la chaussette, puisque ça, je n'en ai aucune idée. La production de la chaussette n'est pas forcément effectivement un sujet très bien choisi. On ne sait pas. Et il faut trouver des mécènes aussi, peut-être. Un partenariat avec... Non, ce qui est certain, c'est que le musée est une activité sans aucun doute de service public sur lequel l'importance des ressources propres et de l'argent produit par la billetterie peut être correspondre à peu près à 40 ou 50% au mieux des ressources d'un musée, à condition de rester évidemment dans des tarifications raisonnables, mais que l'autre partie doit être souvent soit financée par des collectivités publiques, soit par un mécène qui décide d'y consacrer de l'argent. C'est effectivement, par exemple, le cas de la très belle fondation Louis Vuitton dans le bois de Boulogne, qui évidemment repose sur les financements du groupe. Oui, parce que alors là, ma Christina Bourdette, on est dans pleine nuit des musées, enfin, et c'est réjouissant, mais il y a aussi, j'ai lu quelque part qu'il y avait des musées qui fermaient, et enfin, c'est normal, un musée peut naître et puis mourir, mais c'est quand même, ça a l'air assez rare quand même. Non, j'ai lu 128 musées avaient fermé en France au cours des dernières années. Alors, je ne sais pas ce que alors, je veux dire, les dernières années, oui, ça c'est alors d'abord, vague, il y a plusieurs modes de fermeture, et puis le musée, je dirais, est un organisme vivant, donc il peut à la fois naître, ce qui est toujours joyeux, vivre, ça, on l'est espère de manière importante, parfois mourir, mais l'élément constitutif, le noyau, le cœur du réacteur du musée qui sont les collections, elles ne disparaissent pas. C'est-à-dire que des collections qui sont protégées par l'appellation Musée de France doivent être transférées à un autre musée de France pour continuer à perdurer, puisqu'on a estimé qu'elles avaient un intérêt public et qu'il y avait un intérêt public à leur conservation et à leur présentation. Cet intérêt public ne disparaît pas, même si la structure qui les gérait à l'instant T, elle, peut apparaître comme plus éphémère. Donc les collections doivent trouver un autre musée qui les accueille et qui leur permette de continuer à vivre. Donc sur les 120 musées dont vous parlez, il faut aussi mesurer que une partie de ces musées peuvent être en travaux pour rénovation. Ça peut être des fermetures provisoires pour des rénovations, des remises en état et donc peuvent après renaître de leurs cendres. En tout cas, c'est une excellente idée cette idée d'ouvrir les musées en nocturne, parce qu'en effet, dès que les horaires sont un peu différents, eh bien on s'en amuse plus. L'année dernière, là c'est un peu tôt pour faire le bilan de cette opération de 2015, mais l'année dernière, je crois qu'il y a eu 2 millions de visiteurs. Vous allez nous dire de demain ou après-demain, le ministère du Irak a eu 2 millions et 100 000 visiteurs. Il faut toujours faire mieux l'année qui suit. Oui, à la fois il faut faire mieux, en même temps en étant bien conscient que sur un champ muséal qui est globalement quand même toujours à peu près le même en France, à 3 ou 4 exceptions près d'ouverture de musées dont on peut parler, on est déjà pratiquement une forme de saturation ou en tous les cas de succès constant et permanent dont on se réjouit, qui est effectivement aux environs de 2 millions de visiteurs, ce qui est absolument considérable en une seule nuit mobilisée, alors évidemment sur l'ensemble du territoire, et ça c'est quelque chose qui est très important puisque c'est vraiment aussi cette fête territoriale, c'est-à-dire que le fait d'avoir 1200 musées en France qui sont pratiquement tous participants à la manifestation ainsi que d'autres lieux dont qui sont proches de la logique et des modes des valeurs des musées fait que vous avez toujours pratiquement à 10 ou 20 kilomètres de chez vous un musée qui est ouvert et qui vous propose quelque chose. Et je pense que c'est ça aussi, cette très grande proximité à l'objet, à l'institution muséale, qui est un des éléments à la fois de grande richesse de notre pays et aussi de succès de cette nuit qui vient de se dérouler. Et puis il y a sans doute des primo-visiteurs, il y a des gens qui découvrent un musée. Absolument. Grâce à cette nuit, qui reviendront. Et oui. On est d'ailleurs très frappé de l'impact que peut représenter le fait d'avoir franchi la porte d'un musée dans le cadre un peu d'une autre fête, parce que c'était ouvert, parce qu'il y avait beaucoup de monde, et que donc, du coup, le flux aidant, on s'est lancé à l'assaut un peu de certains espaces qui parfois peuvent apparaître comme impressionnants. Et après, le sentiment un peu de révélation qui apparaît et qui crée à la fois une accoutumance et une volonté de revenir. Donc on le voit évidemment aussi sur l'ouverture de nouveaux musées, où quand on ouvre un nouveau musée, on se dit c'est pas possible que le public continue entre guillemets à se dilater ou à croître. Eh bien si, c'est-à-dire que chaque nouveau musée arrive à créer son public, et c'est cette diversité à la fois de l'offre et cette qualité aussi de celle-ci qui fait que finalement on devient accro au musée. Donc si la nuit a servi à ça, eh bien c'est formidable. Alors j'imagine, ma Christina Bourdette, qu'au cours des 7 ou 8 dernières années, puisque vous êtes directrice des musées nationaux depuis 7 ans, vous êtes restée à Paris pour la nuit des musées, la nuit européenne des musées. Ah, pas simplement. Ah non, bon, non, vous êtes non, allé non, quand non. même vous J'ai, Il m'est arrivé à de nombreuses reprises de faire des nuits des musées en région. et aussi parfois à l'étranger. À l'étranger. Alors quels sont vos souvenirs de marquants? Vous avez pris des idées quelque part à Berlin, à Londres, à Rome? C'était à Rome. Mais alors à Rome, c'était plutôt un petit peu dans l'autre sens. C'était et ils étaient aussi contents de nous montrer qu'ils arrivaient rentrer aussi dans la dynamique qu'avait effectivement pu lancer la France, puisque c'était déjà de cela il y a quelques années. Là, malheureusement, j'ai dû quitter la Pologne hier, qui s'apprêtait elle aussi à participer à la nuit des musées, puisqu'il fallait que je voulais être à Paris aujourd'hui. Et donc, on se rend compte que c'est en tous les cas un événement dont qui traduit aussi cette véritable famille européenne que représentent les musées. Alors cette famille européenne, elle existe et elle se vit de manière très concrète à travers des grandes expositions qui peuvent donner lieu à des rassemblements souvent uniques de tableaux. La dernière en date étant évidemment Velázquez, où l'on a vu des œuvres venir à la fois de la National Gallery de Londres, évidemment du Prado, pour pouvoir célébrer ce très grand peintre espagnol au Grand Palais. Et donc cette solidarité aussi européenne se traduit par des échanges et des partenariats entre grands musées, mais elle se traduit aussi par cette capacité à pouvoir faire la fête ensemble, au très bon sens du terme, et de pouvoir traduire que un musée n'a de sens que si le public est en face d'une œuvre. Et ça, je pense que c'est absolument essentiel. Un musée, c'est pour ça que j'écouterai avec beaucoup d'intérêt la Tribune de Paris, la Tribune de Paris en 1945 qui vient, où le musée, ça n'est pas uniquement le fait d'avoir des très belles œuvres sur une cimaise. C'est le regard du public sur l'œuvre qui fait du lieu un musée. André Scheller, qui est dans la Tribune de Paris, donc là, on va pouvoir entendre tout à l'heure, à la question « Que montrer ?», il dit montrer les œuvres capitales, bien sûr, mais aussi s'efforcer d'être un musée didactique, montrer les œuvres à côté, celles qui découlent des grandes œuvres. C'est aussi, j'imagine, votre point de vue, Marie-Christine Bourdette. Bien évidemment. En plus, je dirais, l'intérêt d'un musée, c'est de faire aimer non seulement, bien évidemment, ou faire mieux comprendre le chef-d'œuvre, mais c'est aussi de percevoir le sens que peut avoir pratiquement tout objet. Tous les objets ne sont pas forcément des objets de musée, encore que c'est par exemple le cas sur tous les écomusées ou les musées de société, où on prend un objet usuel et la manière dont on arrive à en tirer une polysémie dans ses significations, son interprétation, ce qu'il peut dire, en fait en lui-même un objet de musée et lui donne une autre dignité. Ce qui est très important et un des éléments vraiment de doctrine de fond du ministère de l'Agriculture en matière de musée, c'est de considérer que il n'y a pas de petits et de grands musées sur la valeur des collections. À partir du moment où les collections sont considérées comme des collections de musées de France, elles ont une valeur intrinsèque en soi qui ne se traduit pas forcément par la même valeur financière, mais en matière de valeur scientifique, en tous les cas, elles doivent être traitées à la fois avec le même respect, le même intérêt et aussi la même capacité d'interprétation et de transmission au public du message qu'on a réussi à en déduire et à lui faire porter. Alors, intérêt et respect pour ces objets dans les écomusées et puis aussi pour entendre les visiteurs, ça rappelle. Il y a des objets qui rappellent les grands-parents, les familles. On dit, bah, tiens, il y avait justement ça dans la ferme là, de mes arrière-grands-parents. Alors que c'est rare de dire, tiens, enfin, ça arrive sans doute, mais tiens, ce Renoir, j'ai un Renoir aussi chez moi, ou mes grands-parents ont un Rubin. C'est plus facile dans les écomusées de s'identifier, de se retrouver familialement ou régionalement. C'est vrai, il y a à la fois ce lien-là, mais je pense que justement, le fait de pouvoir superposer les sens, au sens de je suis à la fois le spectateur d'un chef-d'œuvre et je sais que ce chef-d'œuvre qui est au Louvre ou qui est accroché au musée Fabre à Montpellier, au musée des Beaux-Arts de Lille, au musée des Beaux-Arts de Rouen, mes parents et mes grands-parents ont pu le voir et je sais que je pourrais venir le présenter soit à mes enfants, soit à mes petits-enfants, parce qu'il sera là de manière pérenne, est aussi quelque chose d'important dans cette transmission de la culture et des valeurs auxquelles on tient, qui est, je pense, un peu aussi un souci pour tout un chacun. Et donc, de savoir que le musée aide aussi à cette capacité de transmission est très importante, donc à la fois dans les grands chefs-d'œuvre de l'humanité, mais aussi, comme vous dites, dans la compréhension de ce qui a été notre passé, d'objets qui ont pu devenir en eux-mêmes parfois mystérieux et dont la réinterprétation permet de comprendre aussi des modes de vie et de fonctionnement qui peuvent avoir totalement disparu. Mais ceci dit, au train, avec l'accélération aussi progrès technologique, je pense que les lecteurs de cassettes vidéo seront sûrement des objets à réexpliquer à nos enfants ou à nos petits-enfants très très vite, parce qu'ils se demanderont ce que c'est que ce sont ces engins préhistoriques. Même les clés USB, absolument. Donc il faudra faire un musée de la technologie dépassée. C'est un sujet en tous les cas, c'est une autre forme d'écomusée. Est-ce que vous arrivez, Marie-Christina Bourdette, toute directrice des musées nationaux que vous êtes, de vous promener pendant vos vacances l'été dans une région et d'entrer un peu incognito dans un musée? Toujours. Ah, je le fais très volontiers. Je ne dis surtout pas. Avec une badine à la main. Non, rien du tout. Avec juste le plaisir et le sourire aux lèvres quand on trouve que le musée est beau, et puis parfois un petit peu de tristesse ou parfois même le cœur un peu serré quand on voit qu'il y a des musées qui mériteraient, en raison de la valeur de leur collection ou de la qualité, d'être mieux mis en valeur. Mais alors vous intervenez à ce moment-là? Vous dites. Ça peut arriver. Pas sur place, pas immédiatement. J'essaie d'abord de savoir et de regarder quelles sont les raisons de la situation qui semble apparaître à l'instant T. Et puis, on essaie de voir quelles en sont les raisons. Non, l'objectif en matière de musée n'est pas la coercition. L'objectif en matière de musée, c'est vraiment la coopération, l'échange et le travail de responsabilité. Les musées, donc vraiment les 1200 musées de France, il y en a 1150 qui appartiennent à des collectivités territoriales ou à des acteurs privés qui ne sont pas l'État. Donc on est avec eux dans un partenariat et dans un échange tout à fait respectueux, à la fois des compétences des uns et des compétences des autres. Nous sommes là pour les conseiller, les aider, parfois aussi contrôler, puisque cette exigence est aussi un garant pour tout le monde, mais non, nous sommes rarement dans une coercition. Et puis c'est souvent pour des problèmes budgétaires aussi, ça qu'on peut imaginer. Il peut y avoir des problèmes budgétaires, ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre, pour finir de juger en tous les cas. Au cours de cette nuit européenne, cette 11e nuit européenne des musées, Marie-Christina Bourdette, j'ai repéré dans le dossier de presse, très bien fait, une soirée pyjama à la William Morris Gallery. Oui, ça, les Anglais aiment beaucoup la version. On est passé des chaussettes au pyjama. Ben voilà, vous voyez. Alors, donc, ça consiste en quoi, une soirée pyjama? Les gens viennent en pyjama, simplement. Les gens viennent en pyjama, s'installent et écoutent des histoires autour des tableaux. Donc, c'est une autre manière de raconter l'histoire de vos enfants. Mais là, vous le faites non pas au pied de leur lit ou à côté de leur lit, mais vous le faites dans des duvets, dans des salles de musée. Voilà, le problème, c'est que je ne sais pas s'ils vont jusqu'au bout, s'ils laissent vraiment les enfants dormir là toute la nuit. Ah ben c'est les adultes qui viennent en pyjama, je crois. Ou les adultes, les deux. Oui, c'est des soirées régressives, sans doute, vous savez, ça arrive, Marie-Christina Bourdette. Quel est le plus beau souvenir au cours des dernières années, là, de ces nuits des musées? Les rencontres, peut-être les gens qui se rencontrent, qui se croisent, là, il y a sans doute des histoires d'amour qui sont nées là. Oui, et surtout cette, cette extraordinaire bienveillance que les gens éprouvent globalement pendant cette nuit. C'est-à-dire que c'est un moment où il y a quand même énormément de monde, où on peut avoir pas forcément envie de faire la queue pour voir telle et telle chose. Et en même temps, les gens ont le sentiment et partagent cette notion de fête, Et donc, on entend des conversations à la fois très émouvantes et très, très fortes sur « Mais vous êtes sûr que ce tableau, vous le trouvez ça bien ?»« Ben oui, oui, oui, parce que je l'aime bien à cause de ça, de ça. » Et donc, on entend des conversations qui se mettent en place. Il y a aussi des moments de spectacle formidables. L'année dernière, il y avait eu des grandes scènes de danse collective qui avaient eu lieu à Orsay avec José Montalvo, qui avait été absolument formidable. Il y avait 500 personnes qui travaillaient à créer ensemble un pas de danse et en harmonie avec un des tableaux d'Orsay. Donc ce sont des moments de grâce qui vous convainquent qu'effectivement le musée est sûrement un des plus beaux lieux sur Terre qui existent. Merci Marie-Christine Labourdette. Que les auditeurs et auditrices ne quittent pas l'antenne, parce que finalement c'est un peu tard pour aller maintenant dans les rues chercher des musées ouverts. À suivre, à venir, les tribunes de Paris, donc consacrée au musée par Paul Guimard, une émission qui date de 1946. Puis le volet du Profil perdu consacré à Georges-Henri Rivière. La visite au musée de Dresde par Louis Aragon et Jean Cocteau, une émission de Robert Mallet. L'entretien avec Maëlle Bellec pour l'exposition L'école de Yingnam, l'éveil de la Chine moderne. Très belle exposition au musée Cernouchi à Paris, une dramatique, une comédie, la peinture aux trois visages de Jean-Louis Boer et Bernadette Le Sachet, puis la mémoire des pierres, le musée des monuments français par André Velter, la deuxième partie, le deuxième volet de Georges-Henri Rivière, Profil perdu par Paul Chavas, et puis on se reverra en toute fin de nuit, pas du tout pour tirer un bilan, parce qu'il est beaucoup trop tôt, Marie-Christine Labourdette.